蛛丝。Bienvenue à Web Music. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Qu'est-ce que c'est Web Music pour ceux qui découvrent l'émission pour la première fois? Ben, je fais le tour des internets pour vous. Je trouve plein de musique en téléchargement gratuit. Puis, ben, c'est ça. Je vous propose ça à l'émission. Puis, ensuite de ça, si vous aimez ça, ben, vous pouvez aller sur le site de Web Music. Le site se retrouve au www.webmusic.ca. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'émission et télécharger gratuitement toutes les pièces que vous entendez à l'émission. Je vous donne aussi des liens vers les artistes, vers les net labels, donc vous pouvez en savoir un petit peu plus. J'ai tendance à pas trop parler durant les micros, donc pour laisser plus de place à la musique, il y a tellement de matériel qui sort chaque semaine, c'est juste hallucinant, c'est impossible de prendre le dessus sur tout ce qui peut être distribué de façon gratuite, souvent publié sous licence Creative Commons ou dans le tout simplement dans le domaine public ou copyleft, donc toutes sortes de trucs vraiment intéressants à découvrir chaque semaine. Ça se passe du côté de musique électronique, rock, death metal, classique, jazz, ça va vraiment dans tous les sens. En particulier ce soir, l'émission pas vraiment de cohésion, ça part vraiment dans tous les bars. Donc on débute sans plus attendre avec un artiste du nom de Sauce. Je vous fais entendre la pièce Strengthen the Weak Ends and Make Firm. Ah mon Dieu, il manque un petit bout de tout. En tout cas, je vous dirai ça tantôt. Le nom de la pièce est vraiment long. Ensuite de ça, tout de suite après la première pièce, c'est une pièce de Star Pilot distribuée sur Pterodactyl Squad. Pterodactyl Squad qui se spécialise dans la musique de jeux vidéo, donc il y a beaucoup de musique à tendance 8-bit. On va entendre la pièce Clarity and Nerves. Donc pour tout de suite, on écoute Sauce. Thank you. Thank you. Beau bordel à saveur 8 bits, c'était Star Pilot, un artiste de Toronto. C'était la pièce. Attendez un peu, c'est Clarity. Je vais essayer de vous la trouver au complet, c'est de la pièce. Donc, ben oui, c'est ça, c'était Clarity and Nerves. Avant ça, c'était Sauce. Je viens de me rendre compte que c'est de l'électro chrétien, donc Sauce. Était dans la déchéance totale et est devenu un chrétien en 2009 et ça a changé sa vie. Donc c'est sur l'étiquette Electronica for God, une étiquette qui fait la promotion de musique chrétienne électronique. Je sais pas que si c'est électronique, comment ils font pour faire la promotion de Dieu. En tout cas, j'en ai aucune idée. C'est ça, je vous ai fait passer ça en début d'émission. C'était la pièce Strengthen the Weak Hands and Make Firm the Feeble Knees. Donc oui, le titre est très chrétien. Pour la suite de Web Music, on va entendre un groupe qui vient de Londres. Le groupe s'appelle Now. Je vous fais entendre la pièce Monotone Plug Suggestions. C'est publié sur Clinical Archives. C'est une compilation du nom de Clinical Anthology Volume 2. Donc, une grosse compilation, 4 albums entre guillemets, donc c'est des MP3, mais c'est vraiment long. Il y a beaucoup de matériel donc qui proviennent de l'excellente étiquette Clinical Archives. On va entendre ça. Ensuite de ça, ça va être Metalizer and the Ming. J'ai absolument aucune information à propos de ces artistes-là. Toutes les fois que je tape ça dans Google, ça tombe sur l'émission Web Music. J'en ai fait passer à quelques reprises. Puis, je crois que le groupe a disparu. C'est publié sur Stereo Shaolin 3000, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Un peu de musique à tendance surf, dont la pièce s'intitule Surfboard Killers. Donc, on écoute tout de suite Now avec la pièce Monotone Plug Suggestions. Selection.

un peu de dubstep ultra agressif à web musique. C'était Bulbajar, un artiste de l'Ukraine. C'était la pièce Stenching Creep, publiée sur Muslow Records. Avant ça, de la Russie, c'était Inverted Anima, donc avec la pièce Empty. C'était publié ça sur Deep X Recordings. Plein de bonne musique sur Deep X Recordings. Donc, allez faire un tour. Beaucoup d'albums en téléchargement gratuit. Il y en a pas mal pour tous les goûts si vous aimez musique à tendance électronique, plein de bons stocks. Pour la suite de web musique, on va se diriger du côté de la ville de Lille en France, un homme orchestre du nom de Philo Xera. La pièce s'intitule 4. C'est publié sur NKS International. Donc tout de suite après, ça va être Das Gritty Moser avec la pièce Dromenten Rot. C'est une pièce à tendance satanique. L'artiste divinir de la ville du Vatican, donc assez intriguant. C'est sur Larry Day, une autre excellente étiquette. Donc de la ville de Lille en France, on écoute tout de suite Philo Xera. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. Car you drive, not the contents of your wallet, you're not your fucking khakis, you're the all-singing, all-dancing crap of the world. We'll be right back.